Alors, de retour à Futur Simple, votre magazine de culture scientifique sur les ondes de CKRL 89.1, et nous allons maintenant parler des multiples visages de la citrouille. Ah, la citrouille est emblématique de l'automne, tout le monde sait ça, mais surtout à l'Halloween, hein, dans ces jours-ci d'ailleurs. Oui, on la voit partout. Oui, pour l'occasion, elle est abondamment utilisée pour décorer les devantures des maisons et toutes les mimiques faciales sont sculptées à même la chair. On la voit souriante, effrayante, surprise, grognonne, il y en a tous les genres. Mais à part ses qualités décoratives, que connaît-on de la citrouille? D'où vient-elle? À quoi sert-elle? Quelles sont ses vertus? Alors, il y a Geneviève Gay, notre chroniqueuse, qui est ici pour nous parler des multiples visages de la citrouille. Alors, bonjour Geneviève. Bonjour Christiane. D'abord, bien, la citrouille fait partie de la famille des cucurbitacées. C'est un beau nom, hein? Oui, c'est vraiment. C'est un fruit ou un légume, selon le point de vue. Si on la mange, admettons, en repas principal, alors on peut la considérer comme un légume, mettons en soupe, etc. Mais si on la mange comme dessert, comme en tarte, alors c'est un fruit. Il y a Larry Oxen, vous savez, le jardinier paresseux. Oui, voilà. Bien connu. Lui, il a tranché la poire en deux, puis il a nommé ses végétaux polyvalents des légumes fruitiers. Ah, bon, ben, comme très ça, mignon. Tout le monde est content. Voilà. Donc, c'est un, on va dire légume, là, pour, bon, alléger la phrase. Mais, c'est un légume natif d'Amérique centrale, l'Amérique du Sud. Ça en fait un des rares légumes indigènes de notre continent avec le haricot et le maïs. Ah, c'est intéressant. Est-ce qu'il existe plusieurs types de citrouilles? Il y en avait une et puis voilà. Non, en fait, il y en a plusieurs variétés de citrouilles qui ont été développées. Juste au Québec, par exemple, on en cultive près de 25 variétés. 25? On ne devinerait pas comme ça en regardant les champs. On a l'impression qu'il y en a juste une sorte. Juste une sorte, mais non, vraiment, il y en a 25 variétés, mais ils proviennent toutes de deux espèces qui sont distinctes. Cucurbita pepo, ou la citrouille traditionnelle, la grosse citrouille orange, c'est ça. Et aussi Cucurbita massima, qui est la citrouille géante, qu'on appelle aussi potiron en France. Ces deux espèces-là auraient été domestiquées au Mexique il y a au moins 5000 ans là, avant Jésus-Christ. Ça fait longtemps que l'humain a compris. Oui, voilà. Elles sont quand même assez différentes l'une de l'autre. La citrouille traditionnelle, comme je disais, c'est la grosse citrouille orange et ronde qu'on utilise abondamment à l'Halloween. Mm-hmm. Sa chair va être filandreuse, peu goûteuse. C'est vrai que ça goûte pas très fort. C'est ça, c'est pas savoureux, là, c'est pas wow. Puis la citrouille géante ou le potiron, elle va avoir une forme qui est plus aplatie, puis sa couleur va varier du jaune crème au jaune verdâtre. Sa chair à elle est plus sucrée, plus savoureuse, elle va être moins filandreuse aussi que celle de la citrouille. C'est l'explorateur espagnol, excusez mon espagnol, Alvar Núñez Cabeza de Vaca, qui remarqua pour la première fois les citrouilles en Floride, en remontant 1528 pour ça. Il a rapporté les premières graines en Europe, où le nouveau fruit, là, ou légume, bon, a pris un certain temps avant d'être généralement accepté. Puis au Québec, ben c'est Jacques Cartier qui a observé lors d'un de ses voyages là les champs de citrouilles, des champs vraiment remplis de citrouilles. Ça, c'était en 1535. Et puis, est-ce que à cette époque-là, les citrouilles avaient la même allure qu'aujourd'hui? C'était les mêmes, là, les belles oranges qu'on achète? Non, pas, ben un peu somme toute, mais vraiment pas aussi parfaite qu'elle peut l'être aujourd'hui. La culture des légumes parfaite aujourd'hui. À l'origine, bon, mais le fruit était plus petit, puis son écorce était dure, vraiment dure, puis on la cultivait surtout pour ses graines comestibles. Ah, d'accord. Oui, c'est y a de nombreuses variétés qui ont été développées depuis ce temps-là pour en arriver, bon, à donner un fruit, légume... Avec une chair qui est plus épaisse puis moins fibreuse aussi. Bon, généralement, ben on va remarquer que les plantes citrouilles sont de grande taille, des grandes feuilles, c'est vraiment... Ça prend beaucoup de place, c'est des végétaux qui sont très gourmands en éléments nutritifs. Selon la variété, bon, certains plants vont produire plus de petits fruits, puis d'autres vont tout miser sur quelques énormes fruits. C'est le cas des variétés de citrouilles qui sont issues de l'espèce le Cucurbita maxima, qui sont notamment cultivées dans le but de battre des records. Okay, c'est le but de cultiver cette vraiment, espèce-là. Vraiment, c'est wow. Ça. C'est les plus grosses, là, sont presque toutes... Parmi les plus grosses, là, c'est la Dill's Atlantic Giant, qui a été développée en Nouvelle-Écosse, ici au Canada, puis simplement en récoltant année après année les graines des plus grosses citrouilles du champ d'un certain monsieur Howard Dill, qui a donné le nom à la citrouille, voilà. Tout récemment, je pense que le nouveau record date de 2010. La plus grosse citrouille qui a jamais été récoltée pesait 822 kilos. Ça, c'est 1810 livres. C'est énorme! C'est fantastique. C'est le poids, en fait, d'une voiture Smart. Mais c'est énorme! C'est vraiment des... C'est dur à imaginer. Ah, des grosses bêtes. Je me demande... Même, je me regarde ça, c'est tellement volumineux, tellement généreux. Je me demande qu'est-ce qu'ils font avec ben ça? Oui, qu'est-ce qu'on fait? Une fois les honneurs reçus, ben, imaginez tout le nombre de bouches qu'on peut nourrir imagine avec tout ça. Il faut une scie mécanique là, pour couper ça. C'est là, vraiment gigantesque. On ne peut pas couper ça avec un couteau de cuisine. Ouais. C'est vraiment impressionnant. J'ai pas trouvé de réponse à ça. Je ne sais pas curieuse, qu'est-ce moi, qu'ils font qu'est-ce avec qu'ils ça. Avec ça? Ils doivent la démolir. En plus, c'est la variété de citrouille reconnue pour être meilleure au goût. En plus, fait qu'il y aurait, c'est de la nourriture. Et voilà, c'est ça. En effet, la cuisine, d'ailleurs, la citrouille se cuisine de plusieurs façons, autant en dessert qu'en plat principal. Voilà. Puis moi, j'ai remarqué, il y a de plus en plus de chefs de renom qui s'amusent à créer une nouvelle recette à partir de la citrouille. Juste à faire une petite recherche Internet, puis ça, vous allez voir, il y a vraiment une popularité grandissante pour ce légume-fruit qui est versatile, en somme. Puis il y a les classiques, comme les potages, les tartes, mais de plus en plus, on va l'utiliser dans les ragoûts, les risottos, les viandes, dans les gratins, puis un bon nombre de pains et pâtisseries et aussi. C'est bien parce que c'est indigène ici, puis ça se conserve quand même bien. Très, très bien, voilà. Donc, c'est vraiment une courge. Et puis, en plus, ces qualités culinaires, est-ce qu'elles auraient d'autres vertus? Oh oui, vraiment. La citrouille a des vertus médicinales non négligeables. Par exemple, le résultat d'une étude chinoise vont démontrer que l'ingestion d'extrait de citrouille va contribuer à faire baisser la glycémie et pourrait permettre aux diabétiques de type 1 de ne plus avoir à s'injecter de l'insuline chaque jour. Oui, vraiment, c'est quand même assez intéressant. Donc, contient aussi des antioxydants comme les caroténoïdes qui sont présentes principalement sous forme de bêta-carotène dans la citrouille. C'est la couleur orange. Exact. Et la cryptoxanthine, bon, eux autres vont aider l'organisme à lutter contre le cancer, particulièrement le cancer de la prostate, du colon et du sein, en inhibant notamment la prolifération des cellules cancéreuses. Puis en plus, les graines de citrouille vertes sont reconnues pour leurs propriétés diurétiques, puis vont aider les personnes affectées par des troubles de la miction associés à l'hypertrophie bénigne de la prostate, entre autres. Puis là aussi, la citrouille est bénéfique à la vue. Il y a des molécules de lutéine et de zéaxanthine qui sont contenues dans la citrouille qui vont permettre de protéger la rétine en filtrant la lumière bleue du rayonnement solaire. Bon, en bref, on a vu, la citrouille est un légume fruitier excellent pour la santé. On le sous-estime souvent. C'est vrai, parce que c'est quand même rare qu'on se dise, j'achète une citrouille, je la cuisine. Voilà. C'est quand même rare. Et pourtant, c'est vraiment pas cher et ça se conserve. C'est pas cher, ça se conserve. C'est facile à cuisiner. C'est beau. C'est riche en vitamine A. Il y a du phosphore, du zinc, du magnésium, fer, potassium. La liste est longue. Là, je vais juste nommer ceux-là. Là. Et puis, tu mentionnais plutôt que l'adoption de la citrouille en Europe ne s'est pas faite immédiatement. Ils ont amené des graines, mais on n'était pas certain. Pourtant, la citrouille, comme tu disais, est un aliment peu coûteux, polyvalent, délicieux, riche en vitamines, en minéraux, en oxydants. En plus d'être facile à cultiver, ça pousse bien. Et voilà. En Qu'est-ce Europe... qui explique le délai un peu? Là? Ben, c'est ça. C'est probablement l'effet de nouveauté. Oui, les gens, hein, ils connaissent pas ça. C'était pas diffusé. On connaissait pas la plante. En Europe, la citrouille est demeurée dans l'ombre, en fait, jusqu'à ce qu'un certain Charles Perrault écrive une histoire qui a mis en vedette une jeune femme modeste, une fée marraine, et une citrouille. C'est vraiment cette histoire-là qui a remis la citrouille sur la map, comme on dit. C'est ça. Donc, ça serait Cendrillon qui aurait éveillé l'intérêt des gens pour la citrouille, qui se sont mis à ce moment-là à la cultiver à des fins alimentaires. C'est vraiment intéressant. Et puis là, si on revient un peu plus à d'actualité, quelles seraient les origines de l'utilisation de la citrouille pour l'Halloween? Cette habitude-là d'utiliser la citrouille en tant que lanterne, ça proviendrait des Irlandais qui utilisaient déjà le navet ou la betterave pour fabriquer des lanternes. Eux autres, ils sculptaient finalement. Oui, parce que c'est solide, là. C'est ça. Ils illuminaient ces lanternes-là qu'ils creusaient le soir du 31 octobre pour se protéger contre le fantôme d'un certain Jack O'Lantern, qui était un personnage, un ivrogne malfaisant qui a déjoué le diable plusieurs fois, puis qui, à la fin, quand il est mort le soir du 31 octobre, il était condamné à errer éternellement dans l'obscurité entre l'enfer et le paradis, puis il avait quand même le droit de s'éclairer d'un tison qui était posé dans un navet. Donc, les Irlandais croyaient que l'espace entre le ciel, la terre et l'enfer était ouvert ce soir-là, le 31 octobre, le jour de la mort de Jack O'Lantern, puis que les lanternes sculptées dans les fruits de la terre les protégeaient contre les mauvais coups de Jack O'Lantern. C'est très intéressant comme histoire. Donc, vous pouvez vous imaginer tout de suite qu'est-ce qu'ils ont pensé, les Irlandais, quand ils sont arrivés ici, au Canada, et qu'ils ont vu les citrouilles, ils ont fait « Ouh, ça ferait des belles lanternes! » Ça fait que c'est beaucoup plus facile à sculpter. Ils ont vu un beau potentiel. Et donc, le soir du 31 octobre, ils ont commencé à utiliser ces lanternes-là. Donc, peu à peu, l'habitude est restée le 31 octobre, sauf qu'on a continué à sculpter des citrouilles pour l'Halloween, mais ça s'est transformé en amusement familial au fur et à mesure que l'Halloween est devenue une fête populaire. Et puis oui, hein, puis ces jours-ci, on en voit partout hein, des citrouilles qui sont sculptées beaucoup pour le plaisir des yeux. Là. En effet, c'est tout à fait... Il y a vraiment des... Il y a des sites Internet qui existent, là, c'est Extreme Pumpkin. Oui, je pense que j'ai déjà vu ça. Il y a des artistes hein, vraiment, qui font des choses. Incroyable, les idées, ça, c'est vraiment fantastique. Ouais, ouais, ouais. Mais il y a peu de gens qui vont récupérer la chair pour ensuite la cuisiner. C'est vrai. Fait que c'est dommage parce qu'il manque l'occasion de déguster un légume-fruit qui est nutritif, qui gagne à être connu. Donc, il y en a qui vont dire la chair est plus bonne ou elle risque d'être plus bonne, sauf que ça peut arriver, oui, si la citrouille est sculptée trop longtemps d'avance puis qu'on la laisse subir les variations de température ou si on met une chandelle à l'intérieur, tout ça. Sauf que si on la garde intacte, qu'on se contente de dessiner un visage dessus ou de seulement graver le dessus de la citrouille, bien à ce moment-là, il n'y a pas de raison que la chair ne soit plus bonne. Donc moi, ce que je dis aux gens, je dis, allez-y, osez, goûtez, c'est un fruit qui vient de chez nous, puis connaissons ce fruit authentique qui vient d'ici. Eh bien, merci beaucoup, moi je te vois bien en appétit, en tout cas, personnellement. Alors, merci beaucoup Geneviève de nous avoir éclairé nos lanternes au sujet des citrouilles. Alors, nous serons de retour après une courte pause publicitaire.